mon cher Bastien, quel est l'animal qui n'a jamais bu, qui n'a jamais soif? Là, si tu l'as fait comme ça, on va pas la comprendre. Hein. Est-ce que pour une fois, je peux répondre? Non, il faut lui laisser trouver. Hein. D'accord. Mon cher Bastien, quel est l'animal qui n'a jamais soif? Ah. Écoute, mon cher Maurice, je ne sais pas. Le zébu, car quand j'ai bu, j'ai non, plus soif. Non, parce que là, ma main, elle va partir dans ta gueule. Non. Ça fait 10 ans que tu la racontes, cette histoire, alors merde. Quand j'ai bu, j'ai plus soif. Non. Quand j'ai. Quand j'ai bu. Quand j'ai. Oh, mais attends. Quand j'ai bu, j'ai plus soif.